suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, La marche des banlieues et après, une série documentaire de Sébastien Descaraïdes, réalisée par Véronique Samouilov. Au départ de cette série, il y a des histoires qui s'oublient plus que d'autres, des récits qu'on efface, des espoirs déçus, des illusions perdues, des trahisons et de la colère. Il y a surtout ces listes interminables de crimes racistes des années 80, des jeunes gens qui ne voulaient pas que tout soit écrit à l'avance et voulaient être entendus, considérés et vivre à la même enseigne. Alors il y a eu cette idée de traverser la France tous ensemble, à pied, pour enfin faire corps pour de vrai. Mais il y a aussi le sillon colonial, des campagnes électorales sans vergogne et des énergies qui s'épuisent. Mais tout de même, il y a eu cette marche pour l'égalité et contre le racisme. Alors pour commencer, les personnages, d'anciens marcheurs et marcheuses, des policiers, anciens appelés d'Algérie, des loubards, le curé des Minguettes, un blessé par balle, un enfant tué, une future éducatrice, des mères de victimes et Mitterrand au coin du bois. Ensuite le décor, des bars, des tours rasées, la République qui vous tourne le dos, des ghettos, des provocations, des brutalités, des rodéos, Vaux-en-Velin, Villeurbanne, Vénissieux, une grève de la faim, 30 km par jour, une vie collective, la Nationale 7, une camionnette, des comités d'accueil et la Bastille. Aujourd'hui, deuxième épisode, on croise celui qu'on reconnaît. Salam. Ah bah ouais, vous êtes donc là mon pote, j'ai reconnu le visage direct. Ah ouais, lequel? Alaïdine. Ah ouais. Bah ouais, vous êtes un marcheur. Ouais, exact. Je pensais pas qu'à vos âges, vous connaissiez encore la marche. Non, c'est l'histoire de mon quartier, c'est l'histoire de France plus largement, mais c'est l'histoire du quartier, on est obligé de connaître. Attends. C'est bien, c'est bien. Tu habites ici? J'habite encore à Montmousseau, moi, je suis à la tour 2. Ah, sur laquelle carré là-bas? Et maintenant, j'habite là, la tour 2. D'accord, la tour 2. Ouais, la tour bleue. Grandi là? Tu vois, j'ai grandi là aussi. T'as connu mon neveu alors, Brahim? Brahim, bah ouais, je le connais très bien, je le connais très bien. Ouais. Ouais. Bah maintenant, moi aussi, je fais de l'associatif et tout. Et puis, je projette des fois le film La Marche et tout. Et puis, on débat avec plein de jeunes. J'étais à Strasbourg, j'ai fait Lille. C'est bien. Il y a eu deux cas malheureux comme l'affaire Théo, l'affaire Adama, l'affaire Bourras à Colmar. Voilà, je ne vais pas toutes les énumérer, mais c'est sûr que la marche a permis de renverser une courbe de crimes racistes et sécuritaires qui avait atteint un certain paroxysme. Et voilà, aujourd'hui, le travail il a été enclenché par Toumi, Jamel, c'est vous, voilà, vous, Farid, toute cette équipe-là. Et nous, aujourd'hui, que ce soit les plus jeunes et tout, on doit œuvrer pour vivre dans une société plus égalitaire et où tout le monde trouverait sa place, quoi. C'est pas facile, mais voilà, on n'a rien sans rien. Je connais aucun pays qui a réglé les questions du racisme, aucun pays dans le monde. Tout le monde se copie les uns les autres, prend ce qui est meilleur pour pouvoir construire le sien. Ça fait que nous, on récupérera ce qui est meilleur et on essaiera de répondre à notre réalité au mieux. Moi, c'est John Kwadjo. Je suis un habitant d'ici, je suis aussi acteur associatif. C'est un plaisir de te rencontrer, Jamel. À bientôt. À bientôt. Ouais. Allez. Jamel Atala, un des leaders en 1983 de la marche pour l'égalité et contre le racisme, revient sur les lieux de sa jeunesse à Vénissieux. Dès 1981, les violences urbaines et policières rendent le quartier des Minguettes tristement célèbre. D'après les médias de l'époque, ce grand ensemble de 65 000 habitants était devenu le Bronx de la France. Une erreur architecturale qui met la société française face à ses contradictions. De ce ghetto émergent des revendications sur le traitement que la police et la justice réservent aux jeunes immigrés, mais aussi sur le logement, la rénovation urbaine, l'insertion, la citoyenneté. Ce sera le point de départ de la marche pour l'égalité, qui sera abusivement appelée la marche des beurs. Habitant de la tour 14, Jamel nous amène à Gaston Montmousseau, et dans un quartier qui s'appelait alors Démocratie, avant sa destruction complète. Marcher pour les droits civiques. Il y a plein de souvenirs, ce quartier Gaston Montmousseau. Il y avait la tour numéro 10, la tour 14, la tour 12. qu'on voit plus parce que tout a été détruit dans le cadre des grandes rénovations. Mais c'est un tas de souvenirs. En même temps, quand je vois la Marianne, surtout la position de la statue, parce que les tours, ils étaient positionnés derrière la statue. Et on voit la Marianne avec son grand visage, parce qu'elle est quand même assez, c'est une grosse sculpture quand même, hein. Son visage donnant sur le centre-ville de la commune de Vénissieux et en même temps donnant son postérieur au bâtiment, donc aux habitants. Et quand j'étais gamin à l'époque, on se le disait entre nous, mais la position de la statue, est-ce que c'est pas un acte réussi manqué du genre je vous donne mon postérieur parce que la République, elle vous ignore, pour elle, vous n'existez pas, et puis voilà. Mais en tous les cas, pendant les événements des années 80, dans le cadre des révoltes, on avait même l'ambition de la détruire. Moi, le premier, on était un groupe de gamins qui avaient des massues et on avait tellement tapé dessus en espérant la faire tomber et qu'on n'a jamais réussi, comme quoi la République, quand elle est solide, quoi. Ces deux bâtiments-là, les bâtiments que vous voyez là, ils sont dans la rue Montmousseau, parce que la rue Montmousseau, elle monte comme ça, là. Ceux-là, ils sont voués à la destruction. Et c'est programmé comme ça. Notamment, ces bâtiments-là que vous voyez verticaux, là, c'est les derniers bâtiments verticaux du quartier Montmousseau qui vont être également abattus, parce qu'ils vont faire, comme dans tous les grands ensembles de France, un réaménagement avec des immeubles de 4-5 étages, avec une espèce de mix entre les logements sociaux et l'accession à la propriété. Donc là, il y a la commune, en face. Vous voyez, hein, la Marianne, tu vois, elle regarde bien là-bas, hein. Sur ce côté-là et en face. Voilà, là, il n'y avait aucun immeuble. Les immeubles, ils étaient tous derrière. Alors, ces immeubles-là, moi, quand on est arrivé dans les années 70, donc c'est de bar, parce qu'il y avait les tours Grimaldi et Bonald, et ces bars-là. Alors, quand on est arrivé dans les années 70, il y a un truc qui m'a frappé. Dans ces immeubles-là, il n'y avait quasiment aucun immigré. Aucun immigré. Mais par contre, les immigrés habitaient tous dans les quartiers verticaux. En plus, coupé par la rue Gaston-Montmousseau. On avait l'impression qu'il n'y avait que les Blancs qui étaient là, qui avaient droit d'habiter dans ce bloc-là, et que tous les autres qui étaient moins Blancs, ils habitaient dans les tours Montmousseau verticales, donc la 14, la 12, la 10. Après, avec le temps, donc les choses ont un peu évolué, vous avez ceux qui habitaient dans cet immeuble qu'on considérait l'immeuble des Blancs, sont partis parce qu'ils ont accédé à la propriété. Et petit à petit, après, des gens, on va dire, pas tout à fait blancs, sont venus habiter cet immeuble. Et vous verrez, vous avez des gens qui sont là depuis 40 ans, ils vous témoigneront de la même chose. C'était quoi la vie des jeunes à l'époque dans le quartier, dans ces années 80-83? On était souvent groupés entre nous. On avait l'impression de vivre dans un autre pays parce que il y avait les frontières. Quand on descendait pour aller un peu plus loin, on avait l'impression d'aller dans un autre bled où il y avait quelques activités, on va dire, liées à des services jeunesse, mais elles se faisaient beaucoup plus dans le quartier qu'en dehors du quartier. Et les relations avec la police, c'était comment sur cet endroit-là à l'époque ? C'était assez violent et assez compliqué parce que faut replacer les choses dans leur contexte. Le corps policier de l'époque à Vénissieux, comme probablement dans différents commissariats de France, bien souvent, c'était des anciens jeunes soldats de l'époque de la guerre d'Algérie. Ils avaient 20 ans, ils sont revenus, une grande partie sont rentrés dans la police. J'avais 15 ans, j'avais 16 ans. Pour moi, le mot falaga ne voulait rien dire. Peut-être dans ma famille, pour mon père, mais moi, non. Et j'entendais ce vocabulaire, donc voilà. Il y avait une violence qui s'est installée comme un espèce de jeu de chat et la souris, et on était aussi parfois un peu dans la provocation, et eux répondaient de manière assez brutale. Ça montait comme ça au crescendo et jusqu'à utiliser des armes. C'était quoi ce jeu du chat et la souris? Vous pourriez un petit peu nous raconter concrètement comment ça se passait? Alors, il arrivait parfois, c'est vrai, que quand il y avait un véhicule de luxe qui symbolisait la richesse, ils allaient un peu provoquer le commissariat pour que la police puisse les pourchasser et arriver jusqu'à dans le quartier et puis les tourner un petit peu en bourrique. On pouvait avoir un véhicule comme ça volé, arriver jusqu'à attirer la police dans le quartier et faire des rodéos. France Inter, 1981. 13h18, les incidents se multiplient dans la région lyonnaise. À Villeurbanne, un fourgon de police a été accueilli à coups de pierre. Les policiers voulaient récupérer une voiture volée. Et quelques heures plus tard, de nouveaux incidents se sont produits à Vaux-en-Velin où une BMW a fauché un fourgon de police. Et sur place, Michel Godet à Lyon, à Villeurbanne et à Vénissieux, les autorités commencent à s'inquiéter sérieusement. Cette nuit encore, comme depuis de trop nombreuses semaines, des incidents se sont produits dans la banlieue est de Lyon et plus spécialement à Villeurbanne dans le quartier Olivier de Serres et à Vaux-en-Velin à la Grapinière. Le scénario est maintenant classique, les loubards d'origine maghrébine pour la plupart attendent que la nuit tombe pour effectuer des rodéos avec des voitures rapides, volées bien sûr, et y mettre le feu lorsque leurs exploits de Fangio sont terminés. Et puis quand les dépanneurs, la police ou les pompiers arrivent, la seconde partie de ces jeux stupides et dangereux se déroule. On jette toutes sortes de choses, alors billes, pierres et autres cailloux, qui brisent ainsi les pare-brises et qui souvent blessent les forces de l'ordre. Alors, pour s'enfuir, les loubards utilisent encore des voitures volées, non sans faire du stock-car avec les voitures et fourgons de police. Et si cette nuit, Vénissieux n'a pas connu d'incident particulier, elle n'échappe pas à la règle les autres jours. Le 21 mars 1983, il se produit au Minguette un événement central. Christian Delorme, ancien membre de l'équipe de direction de la CIMAD, surnommé le curé des Minguettes. Ce jour-là, ce 21 mars 1983, il y a des équipages de police différents qui ont décidé d'interventions différentes, mais dans le même quartier. Il y a des guetteurs, des jeunes qui sont là parce qu'il y a déjà du trafic de drogue, il y a déjà des guetteurs, qui voit arriver les équipages de police, qui rameutent tout le monde. Pourtant, il n'y a pas les téléphones portables à l'époque. Et du coup, on va avoir plein de jeunes qui vont s'installer au sommet de la tour numéro 10, Gaston Montmousseau, pour résister à l'arrivée de la police, et qui vont prendre tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils trouvent dans les appartements vides, donc des bidets, des cuvettes de toilettes, et qui vont jeter ça sur les policiers qui arrivent en bas, avec des risques terribles pour les policiers. Et le préfet de police de l'époque a jugé plus responsable pour protéger ses policiers de faire retirer les policiers. C'est Gaston Defferre qui est ministre de l'Intérieur et il est bien sûr exclu qu'il ne cherche pas à redorer le blason de sa police. Et donc on sait qu'il y aura une grosse opération de police, on ne sait encore pas ce qui va se passer, mais on est dans un engrenage qui est dangereux. Et voilà qu'il y a un groupe de jeunes qui décide de faire une grève de la faim pour dire on ne veut plus de la violence, on ne veut pas de la violence, qu'elle soit policière ou autre, on n'en veut pas. Il était 7-8. Et à ce moment-là, au moment où il la déclenche et ils viennent me trouver pour que je les aide à faire un texte, un tract, un papier qui explique leur démarche, pour que je les aide à prendre des contacts avec les pouvoirs publics, etc. Donc où j'ai une fonction un peu de médiateur, quoi. Ce moment-là a été décisif parce que, pour les pouvoirs publics et pour l'opinion aussi, il y a eu un retournement qui s'est produit en quelques minutes. Ah, s'ils tendent la main comme ça, ben à ce moment-là, on accepte d'entrer en dialogue, de comprendre ce qui se passe, quoi. Et donc, pour moi, ce moment est fondateur de la marche, parce que par eux-mêmes, ces jeunes gens, dont certains ont été des marcheurs après, ou les frères de certains, par eux-mêmes, ces jeunes gens ont compris que pour désamorcer la violence, il ne fallait pas rajouter de la violence. Donc il fallait entrer dans une dynamique d'action qu'on pourrait appeler non-violente. C'est tout à la fois, Christian Delorme, formateur, éducateur, qui nous a guidés, il nous a influencés, il nous a montré un peu la voie. Christian est de ceux qui étaient l'un des premiers dans ces quartiers. Et déjà, lui, il avait peut-être mesuré et évalué la dangerosité des choses. soit il y avait quelque chose qui allait se dessiner dans le cadre d'un affrontement dur où tout le monde aurait perdu au change, soit il fallait influencer de manière à ce que ça prenne une tournure à la fois organisationnelle et dans le cadre de la non-violence. Il a été l'un des premiers à arriver dans ce quartier et à s'inquiéter de la situation. Maintenant que de par sa position, de par son histoire militante, parce qu'il est de l'Église catholique, non-violent, il a joué le rôle un peu du grand frère, quoi, quelque part. Peut-être qu'on attendait des grands frères qui n'étaient pas là. Eh ben, le grand frère à cette époque-là, c'était Christian Delorme. Et c'est comme ça que ça s'est fait de manière naturelle, même si certains d'entre nous, dans les débuts, étaient un peu méfiants, dont moi le premier, je veux dire. Et il l'avait senti, Christian Delorme. Et c'est lui qui s'est rapproché, c'est lui qui a fait la démarche. Et c'est comme ça que l'histoire s'est faite. Puis on a eu d'autres facteurs qui ont joué. Par exemple, il y a eu en 83, il y a la sortie sur tous les écrans de France du film de Richard Attenborough, Gandhi, qu'on est allé voir avec des jeunes. Et là aussi, ce film fait partie de l'archéologie ou de la préhistoire de la marche. À savoir que, après avoir vu ce film, certains de ceux du quartier des Minguettes, certains qui avaient fait la grève de la faim ou leurs copains, parmi eux Toumi Djadja, disent, ah ben, un jour, nous, il faudra qu'aussi les Arabes de France en soient capables de faire ce que les Indiens ont fait, qu'on marche pour faire entendre notre cause. Hein. Et puis, les événements vont se précipiter, les violences vont s'accentuer ou s'additionner aux Minguettes et ailleurs. Toumi Djadja va être blessé au début de l'été 83. Et là, avec lui et quelques-uns de ses copains, on dit, bah, cette marche, on va la faire. France Inter, 20 juin 1983. Incident la nuit dernière à Vénissieux, près de Lyon. Des jeunes gens du quartier des Minguettes se sont heurtés aux policiers, bilan 2 blessés graves. Toumi Djadja, 22 ans, président de l'association SOS Avenir Minguettes, a été atteint d'une balle dans le ventre tirée par un gardien de la paix. Toumi Djadja, c'est un peu le porte-parole des jeunes maghrébins du quartier. Les versions de ces incidents sont contradictoires. Selon la police, tout a commencé par la prise en chasse d'une voiture conduite par des jeunes gens. Un des gardiens de la paix, un maître chien, s'est lancé à la poursuite des jeunes gens qui s'enfuyaient. Rapidement, toujours selon la version de la police, le gardien de la paix a été cerné par une vingtaine de personnes armées de barres de fer. Le policier aurait alors été frappé et avant de perdre conscience, il aurait tiré sur l'un des jeunes présents, le blessant très grièvement à l'abdomen. Autre version, celle des jeunes des Minguettes. Ils affirment que le policier a délibérément lâché son chien sur un des passagers de la voiture et que les cris de la victime auraient alors alerté d'autres personnes. Et c'est à ce moment-là que le policier aurait tiré. Écoutez d'ailleurs le témoignage d'une parente de la victime recueillie par Maurice Fusier. Un jeune avait le chien sur lui. Toumi a voulu le retirer. Le chien s'est retourné contre lui. Le policier a ouvert le feu. Il a pris la balle dans le ventre. Ensuite, le policier a couru dans la voiture, il est monté dans la voiture de police et la voiture est partie. Alors, en tout cas, ces incidents risquent fort de remettre en cause le fragile équilibre du quartier des Minguettes à Vénissieux, où depuis l'été chaud de 81, des accrochages se sont multipliés entre jeunes maghrébins et forces de l'ordre. C'était une période de Ramadan, donc on tuait un peu le temps, hein. Les journées étaient longues, c'était un cycle d'été, donc Jamel Attala. On mangeait tard. On était là sur la rambarde, trois jeunes, Toumi, moi-même et un copain, Kader Khalifa. Il était allé entre 19h-20h. Et juste en contrebas là, de cet endroit-là, à une dizaine de mètres plus bas, on entendait un gamin crier, hurler. Donc nous sommes descendus et là on a vu un chien d'un policier déchiqueter un gamin au niveau du mollet. Toumi a eu tout de suite l'idée d'essayer d'extraire le chien et le chien était tellement bien gardé qu'il revenait sur sa proie et il a eu le malheur de mettre un pied devant et puis le policier a sorti son 357 et il a dégainé tout de suite. Toumi est tombé, les yeux blanchis et il y avait une petite mare de sang et cette nuit-là, en quelques minutes, l'ensemble du quartier, de tous les bâtiments qui étaient là à proximité, d'abord avait entendu la détonation. Donc beaucoup de gens sont descendus et quand ils ont constaté que Toumi était à terre, c'était une nuit de folie. Et puis Toumi a été évacué immédiatement à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon 3e. Toute la nuit, le quartier était en attente de savoir, de s'enquérir s'il allait vivre ou pas. Il a failli mourir, Toumi. Ça s'est joué quelques, je sais pas, c'est millimètres ou dixièmes de millimètres près. Donc, Christian Delorme. Toumi qui reçoit une balle de la part d'un policier dans des conditions qui n'ont jamais été bien éclaircies. Toumi remis d'aplomb. Toumi ne s'enferme pas dans le ressentiment et dans la haine. C'est assez étonnant. Et il entre dans cette logique de, eh bien, il faut qu'on, tout ça, ça cesse. Et qu'on aille dire à la France qu'elle doit nous regarder autrement. L'idée de se rassembler, de s'unir pour lutter contre cette adversité, elle était née vraiment à partir de ce moment-là. Ça a soudé tout le monde. Et les jours d'après, il y a eu pas mal de rencontres avec différents jeunes de différents quartiers, d'abord des Minguettes, et après ça s'est élargi avec des jeunes de différents quartiers de la ville de Lyon. Vanvelin, Villeurbanne, Saint-Fons. D'ailleurs, la marche, elle s'est construite aussi, pas uniquement avec des jeunes des Minguettes, mais avec des jeunes de différents quartiers de la ville. Jamila sortit de chez elle en claquant la porte. Elle dévala les escaliers de la tour 10 du quartier Montmousseau. « J'en ai marre de cette crèche, de cette cité de mère, de cette famille. » Un grand garçon dégingandé qui fume dans la cage d'escalier l'évite de justesse. « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Mila ?» lui demande-t-il. « Mes vieux veulent pas que je parte avec Toumi, Jamel, Farouk et les autres. Ils disent que c'est pas la place d'une meuf. »« Quoi donc ?»« Bah la marche !»« La marche qu'on va faire bientôt à travers ce foutu pays. T'es pas au courant ?»« C'est le père Delorme et Toumi qui l'organisent. » »« Plein de cousins sont partants pour marcher. » On va d'abord descendre en train à Marseille pour partir de là-bas. Et on va traverser la France profonde pour dire non au racisme qui tue. Mais t'étais là l'autre jour quand Toumi est rentré de l'hôpital, t'es au jus de tout ça. C'est vrai, il y en a marre de nous tirer dessus comme des lapins. C'est pas qu'à Lyon qu'on tire sur nous, c'est arrivé à Marseille aussi, dans la banlieue parisienne. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent à la suite de bavures policières ou dégommés par des Dupont-Lajoie. Voilà. En 1983, Marie-Laure, racontez-nous un petit peu cette année avant la marche pour vous. Alors, en 83, je suis étudiante en deuxième année d'école d'éducatrice de la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse. Marie-Laure Mahé, ancienne marcheuse. Donc, ministère de la Justice. Quand j'apprends qu'une marche contre le racisme et pour l'égalité va avoir lieu, qui va partir de Marseille et qui va arriver à Paris, que cette marche va commencer en octobre. Vous n'êtes pas du tout concerné par ces histoires de lutte anti-racisme à cette époque-là? Non, pas du tout. Bon, sauf que quand en juillet 83, j'apprends qu'il y a un petit gamin qui s'appelle Toufi Kouanès, qui avait 9 ans et qui est mort sous les balles d'un excité raciste, cet employé de la RATP qui habitait à la Courneuve tire sur un petit garçon de 9 ans et le tue. Ben moi, comme tout le monde, je lis Libé et j'apprends ça. Je dis comme tout le monde parce que pour la première fois, la population de France va apprendre que des crimes racistes de ce type-là ont lieu. Tous les jeunes qui habitent dans les cités le savent. C'était pas du tout des règlements de compte, c'était des crimes racistes et sécuritaires qui touchaient toutes les cités de France et de Navarre, et notamment Lyon, Paris, Marseille. Je peux citer énormément de cités où ça a eu lieu. La Busserine 81, Zahir Boudjellal. En octobre 80, Lawari Ben Mohamed à la Cité des Flamands, donc ça c'est à Marseille. 82 à Saint-Fons, Waïd Achichi. À Lyon, Ahmed Boutelja, à Lyon aussi, Salim Green à Aix, Moussa Mezog à Livry-Gargan, dans un supermarché, Abden Bigemia, qui avait mon âge, et qui habitait Nanterre, parce que moi j'habitais à Nières, deux villes qui se touchent quasiment, 19 ans, je me dis, mais c'est pas possible, on a le même âge, on habite à quelques kilomètres, et il est mort pourquoi? Il est mort parce que c'était un jeune musulman, alors je dis musulman en plus parce qu'il revenait de la mosquée à Denby. Et puis tout d'un coup, 83, ça touche un gamin. Il a 9 ans et Libé en parle. Et je lis Libé, j'apprends ça. Et les journalistes, à ce moment-là, font la liste. On est français, que ça plaise ou non, on est français. Si on doit Bah, traverser la France en plein hiver pour que les gens y comprennent bien le message, bah, on le fera. Martin Luther King l'a fait. Gandhi l'a fait. Et bah nous, les jeunes des Minguettes, avec votre soutien, on le fera aussi. Une marche pour la paix contre le racisme part de Marseille aujourd'hui. Elle est partie ce matin. 45 jours de marche, 1200 km à faire pour traverser 50 villes, dont Lyon, Strasbourg et Lille. Avec un but, dénoncer la montée de l'intolérance raciale en France. France Inter, 20 juin 1983. 30 marcheurs participent à cette marche. Certains viennent de la cité des Minguettes, près de Lyon. Une des cités qui a créé ces derniers temps le plus d'incidents racistes. En particulier, le père de Lorme, celui que l'on a appelé le curé des Minguettes, participe à cette marche et Jean-Louis Vincent l'a rencontré ce matin avant le départ. Cette initiative, c'est sans doute une des rares initiatives qui soit prise aujourd'hui un peu d'envergure nationale pour essayer d'arrêter, de mettre un frein à un glissement de rejet des communautés d'origine étrangère qui s'accentue en France depuis plusieurs mois. Alors avec cette marche, nous voulons essayer de mettre sur la place publique le débat sur la question de cette France qui devient pluriethnique, multiculturelle, essayer d'expliquer aux gens que c'est une richesse pour notre pays, que tous ces gens venus d'ailleurs qui ont participé à son essor économique et qui aujourd'hui apportent un sang neuf et au plan démographique et au plan culturel. Et j'espère que cela encouragera le gouvernement de la République à prendre des mesures plus concrètes et plus courageuses au niveau de l'insertion des communautés étrangères. Concrètement, ça se passe comment ? Bah, il faut des gens pour nous accueillir. Il faut qu'on organise des rencontres, des échanges, qu'on puisse discuter avec les gens dans les villes. Dormir, manger. On commence quand ? On arrive, je pense. Vous avez des bonnes chaussures ? Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est une marche qui traversait la France. Alors pourquoi ? Christian Delorme. Il y avait plusieurs raisons à cela. Il se trouve qu'à Marseille, il y avait eu aussi, dans la période 82-83, beaucoup de morts violentes de jeunes. Et notamment, il y avait eu la mort d'un explosif qui avait tué un enfant à la Caillole et qui avait marqué quand même l'opinion publique. Mais aussi, Marseille, c'était, pour tous ces jeunes, c'était... et leur famille, c'était le lieu d'arrivée des migrants du Maghreb. Et donc l'idée, c'était, on refait le parcours que beaucoup de parents ont fait, et on remonte, voilà, comment, et pour aller à la rencontre de cette France. Et donc le pari, c'était de marcher vraiment ce qu'on a fait, c'est-à-dire que pendant 7 semaines, nous avons fait une moyenne de 30 km par jour. Rencontrant les gens. Alors le groupe initial de marcheurs, il y a d'abord le noyau des Minguettes, 7-8 personnes, plus des militants plus aguerris, souvent venus du monde de la non-violence ou du monde chrétien, comme Jean Costil et moi, des militants chrétiens, parfois un laïc, comme Marie-Laure Mahé, qui était élève éducatrice, là, qui venait de Marseille. Donc le groupe lyonnais, et puis certaines personnes qui, ayant entendu parler de notre initiative, puisqu'on avait quand même parlé avant, les mois qui ont précédé, donc on a des gens qui ont demandé à participer. C'est bien que le groupe des marcheurs, on devait être quasiment une vingtaine à partir de Marseille, et après on a arrêté, parce que sinon c'était plus gérable pour la vie ensemble, mais on a arrêté le groupe des marcheurs permanents à 30. Moi, je suis descendue de Paris à Marseille avec une amie éducatrice comme moi. Il y a Fatima Mehalel, qui elle vient de Villeurbanne. Il y a Kéra, qui elle vient des Minguettes. C'est la seule fille des Minguettes. Et puis, en gros, à ce moment-là, en fille, je crois que c'est à peu près tout. Et puis après, un peu plus tard, il y en aura d'autres. Il y aura Colette Boudou, et puis d'autres qui nous rejoindront, comme Malika Boumedienne, qui nous rejoindra à Valence, voilà. Moi, à ce moment-là, je gardais les enfants de Bernadette, qui est la femme de Jacques, qui est le cousin de Christian Delorme. Donc, c'est par cet intermédiaire que j'ai entendu parler de la marche. Fatima Mehalel, ancienne marcheuse. Et dès que Bernadette m'en a parlé, j'ai adhéré tout de suite, sans réfléchir. Vous habitiez Lyon, à l'époque ? J'habitais le quartier rue Olivier de Serres à Villeurbanne. C'est un ghetto, on peut le dire. très souvent sujet à problème entre les jeunes et la police, etc., etc. Quand elle m'en a parlé, j'ai fait ma valise en cachette. J'avais rien dit à ma mère et je l'ai mis devant le fait accompli, en fait. Elle ne voulait pas et du coup, je suis quand même partie parce que c'était, pour moi, c'était important de faire partie de cette marche. Parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de jeunes qui mouraient suite à les bavures policières. Si je vous montre la liste, franchement, c'est choquant. Le départ, on n'était pas très nombreux à la Canebière. On avait notre petit drapeau, parce que c'est pas un drapeau, mais notre affiche, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Et on était 4-5, on avait l'air minable, entre guillemets, quoi. Parce que personne ne nous calculait, mais nous, on savait pourquoi on le faisait, quoi. Venez soutenir la marche pour l'égalité contre le racisme. En espérant vous voir nombreux sur la place du village. Venez accueillir les marcheurs. Donc, moi, mes souvenirs, les plus marquants, Marie-Laure Maé. C'est vraiment toute cette vallée du Rhône qu'on va traverser dans l'anonymat le plus complet. Parce que quand on quitte Marseille, d'abord c'est le week-end, hein, parce que la marche, c'est le samedi, le 15 octobre, c'est un samedi. Donc ensuite, quand on va sur Aix, c'est un dimanche. Et il y a beaucoup de militants marseillais et aixois. Donc il y a une cinquantaine de personnes, on est assez nombreux sur ce week-end. Et puis après, le lundi, tout le monde retourne travailler. Et là, on est seul pour aller sur ces petites villes qui sont Cavaillon, Tarascon, Orange, Montélimar, Avignon. Avignon, on va rester 2 jours à Avignon. Et Salon de Provence, j'ai oublié le Salon de Provence, qui est une étape mémorable puisque nous n'avions qu'une personne qui est venue au comité de soutien. Donc en fait, il y avait des comités de soutien, à chaque fois on savait qu'on allait rencontrer des gens. Sauf qu'à Salon, il n'y avait personne, il y avait juste un objecteur de conscience qui nous a accueillis. Vous savez, le premier groupe, quand il est parti, Jamel Atala, ils étaient un petit peu partis comme une espèce de centre de vacances, quoi. Hein, je veux dire, voilà. On prenait ça un petit peu comme bon enfant, quoi, sympathique et tout ça. Même si on a commencé à mesurer la dureté sur le plan physique, hein, marcher 30-35 km par jour, c'était pas une activité qu'on connaissait. Donc voilà. Et on a aussi en même temps pris plein la gueule parce qu'on partait du sud. On pensait que tout le monde serait un petit peu comme les habitants des Minguettes, et là tout de suite on s'est aperçu que tout le monde on était un peu différent, quoi. Donc on avait senti quand même des regards un petit peu pas très sympathiques. Je pense aussi à l'étape de l'Auriole, hein, où on avait failli se faire agresser par fusil, hein. Heureusement qu'on avait gardé le sang-froid et tout ça, mais au départ c'est vrai que c'était un peu plus bon enfant. Jamais on n'aurait pu mesurer que cette marche aurait eu une dimension qu'elle a eue, et jamais on n'aurait pu imaginer que cette marche s'inscrirait dans l'histoire des luttes de cette génération. Rien ne me portait à ce genre d'événement, parce que moi j'étais hyper hyper timide, je sortais jamais de la maison, j'étais coupée du monde, on va dire. Quelles sont les rencontres que vous faites en cours de route? Les rencontres, en général, tout le long du trajet, tout le long de la marche, ça a été, j'ai été agréablement surprise, parce que les gens nous accueillaient, nous soutenaient, nous invitaient même à venir dormir chez eux, à nous donner le gîte et le couvert. Donc c'était vraiment impressionnant, plein d'humanité, vraiment. Moi, dans ma thèse, par rapport aux événements qui arrivaient dans la France, et en particulier à Lyon, moi, je pensais au fond de moi, que tout le monde était raciste. Mais finalement, non, c'est qu'une minorité. On sent qu'il y a une ferveur, on sent que les gens sont heureux vraiment, et que Ils se disent déjà, bien qu'on n'ait pas encore réussi, bien que rien ne dit à ce moment-là que nous allons être 100 000 à Paris, rien ne le dit encore, mais c'est comme s'ils le devinaient et c'est comme s'ils savaient qu'à partir de ce moment-là, déjà, les gens sentent que tout va changer. Parce qu'ils se disent, mais enfin, il y en a qui l'ont fait, c'est ça qu'il fallait faire, et enfin, ils le font, et ben, et on viendra vous voir à Paris, on y sera. Donc en plus, comme tout le monde se dit, on viendra vous voir à Paris, ben, ils avaient forcément le sentiment qu'à Paris, on allait être très nombreux. Donc ce sentiment, on l'a très très tôt. Ce qui est fabuleux, c'est que on a toujours eu des gens qui ont marché avec nous. La plupart du temps, sur la route nationale qu'on prenait, il y avait 20, 30 personnes qui venaient marcher avec nous. Les week-ends, il pouvait y en avoir 300, 500. Et plus on a avancé, plus il y a eu du monde. Quand on arrivait dans les villes, il y avait des gens qui venaient à notre rencontre. Et là, on pouvait se retrouver 200, 300 à traverser la ville. Alors, les photos. Ouais. Donc là, moi, je suis là. Voilà, ça, c'est la marche à l'arrivée. Ça, c'est moi. Brahim, derrière. Et ça, c'est Farid et Patrick. Ça, c'est donc notre estafette. C'était quoi? C'était une Renault, non? Il me semble, un petit camion de l'époque, avec des haut-parleurs sur le toit. Voilà. Et voilà, vous êtes sur les photos, là, vous êtes une bonne dizaine, une quinzaine? Effectivement, le groupe, c'est une quinzaine, ouais. Là, c'est en pleine campagne. En pleine campagne, sur le bord de la Nationale, on était sur le bord de la Nationale. La Nationale 7. Farid, voilà. Là, on est en train de manger notre sandwich. Ça, c'est à Valence, dans un cinéma. Farid, Farouk, Patrick, Christian Delorme, Brahim, Jamel. Et là, on arrive à Grenoble. Et à Grenoble, c'est une des premières villes où il y a du monde aussi. Vraiment, il y a beaucoup de monde à Grenoble. Donc voilà. Et à Grenoble, ils écrivaient dans toutes les langues. Enfin, c'est vraiment Ciudadades, des Grenobles, des Todas. Citoyens de Grenoble de toutes origines. Ah, voilà, c'est ça. Pour une société solidaire. Por una sociedad solidaire. Solidaria. Voilà. Et ça, c'est de nouveau dans un meeting. Et puis alors quand même, on ne rencontre pas que des gens du comité de soutien, on rencontre aussi des gens opposés. Alors, des gens qui nous font des bras d'honneur, qui nous sifflent, qui... bon, voilà, ce genre de choses. On s'est quand même fait tirer dessus à L'Oriol. On a été porté plainte d'ailleurs, voilà. À Voiron, on s'est fait crever les pneus de notre estafette. Et à Valence, on a eu le Front National qui est venu défiler, qui est venu s'opposer à notre meeting du soir. Moi, l'accueil qui m'a marqué le plus, honnêtement, c'est cette rencontre avec les gens du Troisième Âge, qui étaient tous blancs, mais vraiment tous blancs. Et on a mangé ensemble et on a passé une après-midi extraordinaire. J'ai entendu des histoires de la Shoah de l'époque, des gens qui ont vécu ça, des gens qui étaient à l'époque en Algérie aussi. Et je sentais qu'il y avait vraiment une envie de construire ensemble, une envie de se connaître, se découvrir. Et pour moi, ça, c'était aussi un moment très, très, très fort. Bah donc, à chaque étape, on a un meeting. Et puis une fête, et puis un repas, quoi. On est garçons et filles ensemble, super contents de se connaître, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on a 20, 21 ans. Sans rentrer dans les détails, il y a eu des idylles amoureuses, forcément, et donc ça fait partie aussi de la beauté de la chose, hein, voilà. Et puis, qui parle du vécu? Ce sont les garçons qui parlent du vécu, parce que c'est eux qui vivent dans leur chair les agressions racistes. Les exclusions de boîtes. Certains racontent des ratonnades, etc. Ou des copains qui se sont fait tuer. Et puis, tous peuvent raconter des propos racistes, etc. Nous, les filles, on était un peu en soutien parce que moi, le racisme, je ne l'avais évidemment pas vécu. Donc nous, on était là. C'était les garçons qui nous racontaient, qui racontaient aux autres. Et nous, on découvrait ça. Est-ce que vous canalisiez les garçons, entre guillemets, pour qu'ils restent dans la non-violence et qu'ils ne... Ils n'étaient pas du tout dans la violence, absolument pas. Donc, on n'a pas eu besoin du tout de les canaliser. Quand ils racontaient ce qu'ils racontaient, il y avait une émotion extrêmement forte. Et en dépit de ça, on vient vous tendre la main. D'ailleurs, c'était presque étonnant, d'ailleurs, hein, mais Toumi, c'était vraiment lui, c'était son discours. Peut-être celui qu'il avait moins, c'était, qui était moins dans ce discours, c'était Djamel. Mais même Bouzid Kara, c'était vraiment, il était vraiment dans le... Et on vient vers vous. À la fois, ils racontaient ce qu'ils avaient vécu, et en même temps, mais en dépit de ça, on est là pour vous tendre la main, on y croit, etc. Donc ça a été ça. Pour ceux qui sont dans la masse, qui sont les travailleurs, hein, et également la politique pour l'ensemble des Français. On a pris des balles dans la tronche, on en a marre. C'est tout, la politique, on en a marre. Voilà. Tout ce qu'on fait est politique. Tout ce qu'on fait, on va en chier, c'est politique. Quelques soirs, dans certaines étapes, quand on prenait le micro pour expliquer la démarche et pourquoi on traverse ce pays, pourquoi on va à la rencontre de la population pour leur dire qui nous sommes, d'où nous venons, on a eu quand même, c'est vrai, des débats, des gens qui prenaient le micro et qui étaient assez violents. Hein. Moi, je me souviens parfois où on entendait, mais vous savez, vous êtes venu d'ailleurs, vous n'êtes pas français, vous n'avez pas de légitimité. C'était dur d'encaisser ce genre de propos. Hein. Franchement, c'était assez dur. Moi, personnellement, ça m'a permis un petit peu de mieux comprendre, de mieux écouter et pour comprendre de où je me positionnais par rapport à tout ça. Quoi. Et je pense qu'à cette époque-là, la France a découvert, elle a pris en pleine gueule, s'est dit, il y a une jeunesse qui n'est pas tout à fait blanche et elle est nouvelle. Et c'est vrai que c'était un petit peu... difficile peut-être à admettre à l'époque. S'il n'y avait pas tout le monde, on aurait fait 4 km, on aurait été chez nous dormir. Ça, je le Pour moi, ce qui était le plus parlant à ce moment-là, et qui aujourd'hui ne parlerait plus, c'est intéressant, c'est le logo de la marche. C'est cette babouche et cette pantoufle, cette charentaise. Et cette... Parce que ça montre, ça montre l'époque, quoi. C'est que, peut-être les charentaises, il y a encore des gens qui en portent aujourd'hui, mais c'était le symbole de la France paisible, la charentaise, cette pantoufle. Et la babouche, c'était l'image, de l'homme venu du Maghreb dans sa maison. C'était deux images de tranquillité. C'est, finalement, la marche pour l'égalité et contre le racisme, c'est une marque de confiance, de foi dans les idéaux de la République. Où un jeune Algérien de 26 ans a trouvé la mort dans la nuit de lundi à mardi. Habib Ghemzi avait pris le train de nuit Bordeaux-Matigny. Crime raciste la nuit dernière à bord du train Bordeaux-Toulouse. 5 légionnaires ont pris à partie, sans raison, un homme d'origine nord-africaine. Habib Krimsi a été jeté par la fenêtre du train Bordeaux-Vintimille. Un légionnaire et 4 jeunes recrues ont attaqué un voyageur de 26 ans dont le seul tort était d'être algérien. Lui ont fracassé la tête contre les parois du compartiment avant de le jeter par la fenêtre pour s'en débarrasser. Dans ce fait divers incroyable, le plus incroyable encore, Jean-Noël Deléage, c'est la passivité dont ont fait preuve les passagers alors qu'un meurtre raciste se commettait sous leurs yeux. Le meurtre d'Habib Krimsi, c'est le 14 novembre. Donc ça fait exactement un mois qu'on marche. À ce moment-là, nous sommes à Mulhouse. Donc on a fait les 3/4 de la marche. Et puis tout d'un coup, on apprend qu'Habib Krimsi s'est fait défenestrer dans le Bordeaux-Vintimille. D'abord, ça veut dire... en fait, on marche pour en signe d'amitié, de dire on est avec vous, on fait corps avec cette société française à laquelle on appartient, etc. Et puis, il y a un message qui est de dire « mais pas du tout, vous n'êtes pas des nôtres et voyez ce qu'on fait à un des vôtres. Et on est en guerre contre vous et jamais on vous acceptera avec nous. » Donc, c'est d'une violence extrême, vraiment, c'est d'une violence extrême. Et là, ça a failli faire capoter la marche. Parce que, évidemment, le truc, c'est de dire « mais ça, c'est pas possible, c'est pas possible, on ne peut pas continuer à marcher. » Il faut arrêter de courber les chines comme des moutons. Et donc, on change de braquet, quoi. Et puis donc, on arrête tout. C'est l'émotion, elle est à son comble de la part de tout le monde. De la part de tout le monde. Parce que même ceux qui nous recevaient sur ce meeting-là, les gens étaient désarmés. Parce qu'ils savaient bien qu'ils ne pouvaient rien nous dire, quoi. Il n'y avait rien à dire. Et en fait, il a fallu que viennent de Paris... des jeunes du collectif de soutien à la marche Et eux, ils viennent à Strasbourg. Ils nous ont dit non, n'arrêtez pas. C'est pas possible, n'arrêtez pas. Parce que c'est ce qu'ils veulent, que vous arrêtiez. Donc ça a été, on a été divisés. Bon, et finalement, on a continué. Et après, il fallait organiser l'arrivée. Kaisa Titus, membre du collectif parisien. Il fallait organiser la logistique, il fallait sortir des tracts, il fallait sortir des slogans, il fallait sortir des badges. D'ailleurs, le badge, c'était « Ranguené, on arrive, la chasse est fermée, nous ne sommes pas du gibier à flics ». Et puis, il a fallu organiser à Paris le parcours, etc. Donc, jusqu'au 3 décembre, les choses étaient assez tranquilles dans le collectif. Hein. Et puis... Ça prenait, on sentait que ça prenait. On sentait que ça prenait parce qu'il y avait des gens de tous les quartiers de banlieue qui venaient. Le 3 décembre 83, on est arrivé à Paris. Cette marche, c'était un raz-de-marée. C'était exceptionnel. On était les grandes stars d'une journée et d'un soir. Toute la nuit, on fait des banderoles. On se sépare à 4h du matin et Rachida Azoug... qui a joué un très grand rôle dans l'organisation de la marche et dont on parle peu, elle achète les œillets. Et moi, je suis chargée, et d'ailleurs, on récupère la banderole du collectif jeune, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une faute d'orthographe. Regardez, c'est collective. On n'a pas le temps de la corriger. On arrive à la manif, c'est collectif jeune. Bon, c'est comme ça. On cherche des piquets pour nos draps. Bon. Et puis, on arrive à la Bastille, il est 11h. Nous, on s'imaginait pas, et tout à coup, on voit ce monde. On se dit, c'est pas possible. Et donc là, il faut s'occuper du mégaphone, il faut s'occuper de la sono, il faut s'occuper d'organiser les mères de familles de victimes, les rangs, enfin voilà. Donc nous, on a passé notre manif à organiser les choses. Quoi. Vous étiez combien ce jour-là ? Ah, moi, j'ai toujours dit à Christian, je lui dis jusqu'à aujourd'hui, on était beaucoup plus de 100 000. On pourra dire ce qu'on veut sur les chiffres qui avaient été donnés par la police, mais ça convergeait de partout. On était tellement, tout le monde était débordé. Je veux dire, c'était un raz-de-marée humaine, comme j'ai jamais... c'était tellement énorme, c'était tellement intense. Moi, j'avais l'impression que c'était tout le pays qui était ce jour-là... à l'unisson. Vraiment, vraiment, c'est le ressenti. Même plus de 30 ans après, j'ai toujours ça qui cogne dans la tête et j'ai toujours le même sentiment. Et puis on était... Oh, jamais, jamais, jamais on se serait attendu à voir autant de monde. Et autant de jeunes. Et autant de gens de province. Parce que si on regarde les photos, il y a des gens de partout. Il y a des gens de Vénissieux, il y a des gens de Saint-Étienne, il y a des gens de Lyon, il y a des gens de Champigny, il y a des gens de Bondy, il y a des gens de Saint-Denis, il y a des mères de famille, il y a des pères de famille, il y a toutes les générations d'immigrés qui sont là. Il y a des ouvriers. Et puis, il y a la société française. Les jeunes lycéens, les jeunes collégiens, les jeunes des quartiers. C'était une ambiance formidable, vraiment formidable. Beaucoup de femmes, puisque les premiers rangs de manif, c'est les mères des victimes de crimes. Il y a pratiquement 5 rangs d'affilée de mères et on arrive à Montparnasse. Il y a un discours et on se rend pas compte vraiment, on voit ce monde. France Inter, 3 décembre 1983. Bonsoir, il y avait donc du monde cet après-midi entre la Bastille et Montparnasse à Paris pour accompagner les marcheurs contre le racisme. 80 000 personnes sans doute, ce qui constitue un beau succès. Philippe Chaffranjon, vous avez suivi ce défilé. Sur l'esplanade devant la gare Montparnasse, un podium et la foule qui vient d'arriver, très nombreuse, probablement 80 000 personnes. Sur le podium, les marcheurs qui racontent leur périple, qui témoignent, qui lisent des poèmes. On a réussi à unir la France. C'était pas gagné au départ, c'était à la limite, certains peut-être disaient qu'on faisait pitié. Mais au bout du compte, avec persévérance, avec courage, on a marché dans le froid, on a marché dans la peur certaines fois, mais on a fini par gagner. Quoi. Devant l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, le cortège s'arrête et marque une minute de silence en hommage à Habib Grimzi, ce jeune Algérien tué dans le train Bordeaux-Vintimille par trois candidats à la Légion étrangère. Actuellement, 8 des 32 marcheurs sont reçus à l'Élysée par François Mitterrand, 4 Français et 4 immigrés. Les marcheurs donc des Minguettes avaient vraiment voulu que marchent avec eux des gens d'origine française. Puisque ce qu'ils voulaient, c'était déjà traverser, comme ils disaient, la France profonde pour dire voilà qui on est, à ceux qui l'ignoraient. Et en même temps, cette marche, elle a été entendue par des personnes qui ne sont pas d'origine étrangère et qui ont dit « Mais oui, vous avez raison !» Peut-être qu'on n'avait pas compris que la société de demain, elle est multiculturelle, multi-apport. Et ce qui est grave quand même, parce que si nous, si on ne sait pas que la société de demain, elle est composée de ce que vous êtes, on n'a rien compris. On n'a rien compris à notre pays. J'aimerais que vous nous racontiez donc ce jour du 3 décembre. Vous êtes reçu à l'Élysée, c'est ça, à votre arrivée? Alors, nous, honnêtement, c'est au dernier moment qu'on nous a informé qu'on allait être reçu par le président de la République. On était quelques-uns, donc il y avait Toumi, moi-même, Farid Lazar, Malika Boumediene et tout ça. Et c'est vrai que pour la première fois de notre vie, on était dans des véhicules et on grillait les feux rouges, on n'était pas verbalisés. Et c'est vrai qu'on se regardait, on disait « Eh ben, ça nous arrive au moins une fois dans notre vie ». Et arrivé à l'Élysée... C'est somptueux, on est impressionné par d'abord l'immeuble, c'est quand même le cœur de la République. Hein. On était dans une salle avant que le président arrive, j'avais une envie pressante, donc on m'amène dans les toilettes, j'ai vu les toilettes, je me suis dit c'est un appartement complet, et le président de la République est arrivé, donc très impressionné par la présence du président, et moi j'étais de ceux qui n'a pas hésité à lui dire, à lui parler de la justice, en lui disant que le parquet de Lyon avait la main particulièrement lourde, que la justice, elle n'était pas égale quand on s'appelait un tel ou un tel ou un tel. Et il avait répondu en disant que la justice doit être égale pour tous et le traitement pour tout le monde de la même manière. C'est ça la République, il le disait. Qu'est-ce qu'il en sort de ce rendez-vous avec Mitterrand? Mitterrand, il a surpris d'abord ses collaborateurs de l'époque. Hein. Il a surpris Ségolène Royal, Yannick Moreau. Il parle de la carte de 10 ans. Et la carte de 10 ans, ça n'a jamais été une revendication des marcheurs. Nous, ce qu'on vivait, nous, c'était la justice, c'était les violences, c'était le travail, c'était l'accès aux droits. Pourquoi on parlerait de la carte de 10 ans? Ça, c'était un travail qui a été fait plutôt par les organisations de soutien à la marche, les grosses organisations, que ce soit les organisations de gauche, la CGT, tout ça, qui étaient autour de cette revendication. Et il a annoncé ça Et en sortant, vous avez Ségolène Royal qui dit « Faut annoncer ça tout de suite au perron de l'Élysée, dans les journalistes », alors que on n'était pas dans ce truc-là, nous. On était plutôt pour la justice. Beaucoup maintenant parlent de la marche des beurs. Non, c'était la marche pour l'égalité, la marche de l'égalité. Un slogan qui était fédérateur et qui pouvait donc toucher tous les gens qui avaient encore l'espoir que c'était possible de vivre ensemble, que c'était possible de construire la France ensemble. Et c'est l'expression autonome d'une jeunesse des classes populaires. C'est la dernière fois qu'on verra en tête de manif, je crois, des milliers de jeunes, des enfants d'ouvriers, des enfants d'immigrés, des enfants des classes populaires. Après, il y a eu des mouvements étudiants et lycéens. Et cette marche, elle a été portée, en fait, c'est une espèce de queue de comète de l'espérance du mouvement ouvrier. Il n'y avait pas de question, effectivement, de communauté, c'était un front commun. C'était une espèce de front commun, et la question de l'égalité était une espérance. C'était reprendre le flambeau de la gauche à travers des classes populaires et des jeunes. La marche, c'était une communion. Vraiment, je crois qu'à ce moment-là, la France s'est retrouvée. Elle s'est perdue peut-être après, mais en tous les cas, ce jour-là, elle s'est vraiment véritablement retrouvée. Et je suis encore de ceux qui disent que si, à ce moment-là, il y avait des volontés fortes, je crois qu'on aurait eu une autre configuration aujourd'hui. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Merci à Jamel Attala, Christian Delorme, Marie-Laure Mahé, Fatima Mehalel, Salika Amara, Youssef Boussaha et Kaïssa Titus. Archivina, Gwen Michel. Prise de son, Benjamin Chauvin, Yann Frécy. Mixage, Guillaume Ledu. Marché pour les droits civiques, un documentaire de Sébastien Descaraïbes et Véronique Samouilov. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez retourner refaire la marche, bibliographie, lien, nous réécouter aux Minguettes ou nous podcaster pour constituer une mémoire, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Séridoc. Et demain, troisième épisode, les espoirs déçus de la deuxième génération.